Monsieur Davin pouton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Zovin très charmant, point pas de supposer s'il t'amusant. Quand je dis soi, il était très tapointé, chitant, tapieux guitant. Quand quand c'est d'un esprit d'auto, pompe sa vie, ni con Tomaso. Ala yon bel digote, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on change la valeur, mais tout ça, yon dit, il faut l'accepter. Mouais pas vin faire vieso, mouais pas mon Tomaso. Damine pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Zovin très charmant, point pas de supposer s'il t'amusant. Quand je dis soit il était très tapointé, chitant, tapieux guitant. Quand quand c'est un esprit d'auto, pour te s'habiller comme Tomaso. A la yon belle digote, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on change un balgué, mais tout ça, yon dit, il faut l'accepter. Mwen pa vin fè vyezo, mwen pa moun Tomaso, mwen pa l mariye Tomaso, mwen moun Tomaso Tomaso, yo pa remezo Tomaso, Tomaso Tomaso, mwen fè vyezo Tomaso, mwen moun Tomaso Tomaso, yo pa remezo Tomaso, mwen Tomaso Tomaso, mwen fè vyezo Tomaso, wa Tomaso Tomaso.